À l'occasion du 4e anniversaire du décernement du titre de maréchal de la République populaire démocratique de Corée au camarade Kim Jong-un, l'Association d'études des états justiciers de Crimée, Russie, a fait une rédaction spéciale dans son page d'internet avec sa photo et un article titré « Gouloir à Kim Jong-un ».